J'avais des rêves pleins de romance. Quand j'étais petit, ça portait son importance. Puis un jour, j'ai grandi, mes cauchemars aussi. Ce jour-là, j'ai compris. Ma vie n'est qu'utopie, ma vie n'est qu'utopie, ma vie n'est qu'utopie. Ma vie n'est qu'utopie, ma vie n'est qu'utopie. Ma vie n'est qu'utopie dans ce monde de pourri. Puis je tape dans les mains, je me gratte le derrière, cherche des pots chez le voisin. Enfin tout ça n'est pas clair et puis je marche sur les mains. Je fais tout à l'envers, je me lève pas le matin. Et je vote pour les verts, je regrette un la télé. Ces dessins animés à y rester scotché. Pour m'y réfugier. Pour m'y réfugier dans ce monde de tarés. En tout cas je comprends plus rien. Tout ça m'a dépassé, je suis resté sur ma faim. En souvenir du passé, si pour toi la vérité c'est de ne pas en parler, alors tu vas rester scotché car j'en suis décidé. Prends tes papiers, garde-barre au lever. On part visiter quelques contrées où le fait bon de voyager. Prends tes papiers, garde les sous de côté. Partir sans regret, sans même se retourner. Puis je tape dans les mains, je me gratte derrière, cherche les poches chez le voisin. Enfin tout ça n'est pas clair et puis je marche sur les mains. Je vais tout à l'envers, je me lève pas le matin. Et je vote pour l'hiver, je regrette en la télé. Ces dessins animés à y rester scotché. Pour m'y réfugier. Pour m'y réfugier. Pour m'y réfugier. Pour m'y réfugier dans ce monde de tarés.